Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Léo-Ernest Ouimet, pionnier du cinéma au Canada. Quand je suis arrivé avec ma machine, avec la lumière, il y a eu un courant qui s'est fait dans la foule. Là où Ouimet, on va en avoir des vues. V'là Ouimet, on va en avoir des vues. C'est vrai que le nom de Léo-Ernest Ouimet va très longtemps être associé au cinéma et au début du cinéma chez nous. Léo-Ernest Ouimet fait en effet partie de l'histoire du cinéma, comme en témoigne son neveu, Léon Bélanger, citation à l'appui. C'est Guy Bosson, dans le Yearbook Film Weekly de 1952-53, qui dit « On ne peut pas parler du cinéma au Canada sans parler de Léo-Ernest Ouimet, pas plus que de parler de l'histoire d'Angleterre sans Winston Churchill. » Dès 1896, les équipes Lumière débarquent dans toutes les métropoles du monde. La lutte entre Lumière et Edison se déplace en Amérique. Plus précisément, à Montréal. Un fils d'habitant de l'île Jésus, Léo-Ernest Ouimet, vient de s'installer à Montréal. Il est apprenti plombier chez son oncle qui tient boutique rue Saint-Laurent. Un jour, le jeune Ouimet ouvre la porte sur son destin et l'aventure de notre cinéma. Il assiste aux premiers essais des opérateurs Lumière, à quelques semaines seulement de la première projection publique de vues animées au Canada. Le 27 juin 1896, au Théâtre Palace. Alors, plus qu'à placer le film dans l'appareil, et nous serons prêts. Ça vous intéresse, ce jeune homme? À quoi ça sert, ça? Vous verrez. Écoutez, prenez l'escabeau et installez l'écran là-bas. Et tendez bien l'écran. Tendez-le bien. Ouais. Voilà. C'était très frappant de voir une image qui bougeait. À ce temps-là, ben mon Dieu, il n'y avait pas d'acteur, il n'y avait rien. C'était un bonhomme qui soignait les pigeons. Et on pouvait voir les pigeons voler. Un train qui rentrait à la gare du Nord. On voyait l'engin arriver. Extrait du film « La conquête du grand écran » d'André Gladue. Nous sommes en fait au tout début du cinéma. Et déjà, le jeune Léo-Ernest Ouimet est fasciné par le 7e art et veut participer à cette grande aventure. Pour nous raconter l'épopée de ce pionnier du cinéma ici, le critique de cinéma au journal Le Devoir, André Lavoie. André, on l'entend dans cet extrait du film de Gladue. Il est fasciné, il veut participer à cette aventure. Il comprend qu'il y a quelque chose dans ce nouvel art qui, lui, en tout cas, le fascine complètement. Qui est-il, Léo-Ernest Ouimet, puis qu'est-ce qui l'amène au cinéma? Mais en fait, il découvre aussi une partie du pouvoir de fascination du cinéma au Parc Sommaire, qui est situé au coin de Notre-Dame et Panay. Et là, c'est un théâtre extérieur, il voit beaucoup de gens, il voit le mécanisme de projection des films. Et sa fascination, justement, est liée au fait qu'il y a une formation d'électricien. Il est fasciné aussi par la vie urbaine, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un fils d'agriculteur qui habite sur l'île Jésus, à Saint-Martin, avant que ça s'appelle Laval. Mm-hmm. Et donc, tout ça, il est subjugué par ça. Et rapidement, il va devenir l'assistant du projectionniste du Théâtre national français, qui est situé sur Sainte-Catherine, dans ce qu'on appellera plus tard le Faubourg Amelas. Et là, il va apprendre tous les rudiments de la projection et de la distribution. Parce que le propriétaire du théâtre, Georges Gauvreau, va lui donner de plus en plus de responsabilités. Il va aller à New York chercher des films. Il va réparer les projecteurs. Et il va développer, il va comprendre la technique, la mécanique du cinéma. Alors, pour ça, ça va lui donner de nombreux atouts pour plus tard devenir lui-même propriétaire de salle, devenir distributeur, devenir producteur et de vouloir aussi réaliser des films. Donc, à cette époque-là... Là, c'est la convergence avant l'heure. Complètement. Complètement. Il a compris ça. Ouais. Et c'est ça qui fait que c'est pas seulement un entrepreneur, c'est pas seulement qu'un self-made man, mais faut le dire, c'est un visionnaire. Et ouais. C'est quelqu'un qui a compris que on ne peut pas être à côté de l'histoire ou à côté de l'industrie ou à côté... Il faut participer. Il faut comprendre le mécanisme des choses. Et c'est pour ça qu'il s'est intéressé autant à la technique que aux règles de l'industrie, aux lois, aux façons de fonctionner. Et en 1906, donc, il ouvre sa première salle. Il décide, ça y est, je suis prêt, salle de cinéma, rue Sainte-Catherine à Montréal. Tout à fait, qu'il va appeler le Wimetoscope, une salle qu'il va louer, qui s'appelait la salle Poiré, du nom de son propriétaire, Louis Poiré. Et il va avoir toutes sortes de difficultés parce qu'entre autres, la ville de Montréal va juger que la salle n'est pas sécuritaire. Et en plus, il va avoir le propriétaire qui va lui dire, ben écoute, j'ai une autre offre. Je t'ai dit que si j'avais une offre pour vendre le théâtre, je te le dirais. Et en 24 heures, il trouve de l'argent. Ça montre aussi son côté justement entrepreneur et très, très avisé. Il achète la salle et il est forcé d'une certaine façon de la détruire, de la démolir pour la reconstruire. Et en 1907, un an après la prise de possession comme locataire, il est propriétaire. Et il construit sur les lieux même de la salle Poiré du premier Wimetoscope la première salle exclusivement dédiée au spectacle cinématographique en Amérique du Nord. C'est quand même quelque chose, ça montre son côté très, très, très fonceur et volontaire. Et c'est une grande salle. C'est une grande salle, oui, tout à fait, et qui va connaître très rapidement un grand succès. Parce que il n'est pas seulement qu'un bonhomme d'affaires, il est aussi un programmateur avisé. Il sait ce que les gens aiment. Il a déjà des liens avec Thomas Edison, qui a un trust, qui contrôle déjà le marché américain de la production et de la distribution. Et il comprend aussi que c'est bien. Et ça, tout le monde le sait, tous les gens qui travaillent dans une diverse cinématographie le savent. Les gens veulent aussi voir des images d'eux-mêmes. Oui. Donc, il va comprendre que c'est dans son intérêt de présenter des films d'actualité pour que les gens se voient, pour que les gens se reconnaissent, pour que les gens s'identifient. Puis, on va y revenir un peu plus tard, André Lavoie, mais il va lui-même, justement, à un moment donné, en produire de ces petits films d'actualité qui montrent aux gens la réalité, leur réalité à eux. Mais on écoute d'abord Ernest Ouimet nous parler de ce début, de ces belles années-là, au tout début, entrevue réalisée en 1965 avec Ernest Ouimet. J'avais permis de dire... De 1000 personnes. Est-ce que vous remplissiez votre salle chaque fois? Surtout le dimanche, c'était 1100 personnes qu'il y avait dedans au moins. Il y avait du monde debout, quoi. Du monde debout sur les murs. Quelle sorte de gens qui allaient là? Et il y avait de la bonne classe. Il y avait de la bonne classe. Jeudi après-midi, il y avait des jeunes filles de couvent. Seulement, dès mon commencement, en 1906, j'avais fait une entente avec les frères du Mont-Saint-Louis, des journées de congé qui amènent des élèves. Est-ce que dans ce temps-là, comme maintenant, il y avait des amoureux qui s'assoyaient très près l'un de l'autre? Eh bien, non. Une personne qui rentrait seule à la salle n'avait pas le droit de s'asseoir à côté des femmes. C'est intéressant, André Lavoie, cette dernière remarque. D'abord, on voit encore une fois, là, parce qu'il s'entend avec les frères, qu'il y a un homme d'affaires avisé là, hein, qui veut que ça marche. Mais la dernière portion de cet extrait, c'est intéressant. Quelqu'un qui rentrait seul ne pouvait pas aller s'asseoir à côté d'une dame, d'une femme. C'est intéressant quand on sait la bataille que l'Église catholique, que Mgr Bruchesi va mener à Ouimet. Oui, et en fait, on a l'impression que l'Église s'acharne davantage sur Ouimet que sur la situation générale. C'est-à-dire qu'on dit aux paroissiens, on dit aux bons catholiques de ne pas aller dans les salles de cinéma le dimanche, même si les gens y vont, surtout les ouvriers, et avec raison, parce que c'est leur seule journée de congé. Oui. Mais ce qui arrive aussi, c'est que Ouimet est celui qui va être le plus visible dans cette bataille contre l'Église. Ça, il va le payer cher, mais il va se battre jusqu'au bout. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'en Cour suprême. Mm-hmm. On s'entend qu'il va aller jusqu'en Cour suprême. Et en 1912, on va faire casser le jugement qui interdisait les spectacles de cinéma le dimanche et les spectacles de dimanche. Et là, ça va faire en sorte que, oui, il va triompher, mais en même temps, il va être identifié comme ennemi de l'Église catholique. Et parallèlement à ça, bien, la petite bourgeoisie canadienne-française va un peu s'éloigner de cet homme qui, dans le fond, on va dire, OK, il s'intéresse davantage à l'argent, il s'intéresse au spectacle. Et d'ailleurs, dans certaines paroisses qui entourent le Wimettoscope, il y a certains curés qui, en chair, vont dénoncer le travail et l'œuvre, en fait, si on peut appeler ça comme ça, de Léo Ernest Ouimet. Et donc, ben ça, c'est sûr que ça va être difficile pour la suite de sa carrière. Ouais, on l'a évoqué il y a quelques minutes, mais il comprend très vite que c'est une industrie, qu'il y a différents niveaux d'action dans cette industrie, produire des films, distribuer des films, et il va justement donc se mettre à produire des films d'actualité, des courts films d'actualité, c'est ça qu'on produit à l'époque. On l'écoute à nouveau, Léo Ernest Ouimet, nous parler d'un film qui va être célèbre, vraiment, La chute du pont de Québec. C'est un film qui date de 1907, extrait donc d'une entrevue où M. Ouimet nous parle de ce film-là. Le pont de Québec était finalement accroché, puis j'avais demandé à mon caméraman de monter sur le toit, sur la pointe, pour prendre au travers des gardes-là, pas capable d'y aller. Je disais, moi, il suffit de tennis, moi, y aller. Et puis j'ai monté sur toi. Et ça, monsieur, il y a des 1000 personnes qui l'ont vu. Mais la travée du centre, bâtie dans le cours, à 3000 plus loin que le pont de Québec, quand elle a levé là, sur les barges, là, et puis D.V. elle a accroché ses togs, puis qu'il l'a emmené dans le courant, c'est la plus belle scène que j'ai jamais vue de ma vie, puis j'en jouerai jamais aussi belle. On sent dans cet extrait, André Lavoie, qu'il aime, comme il aime le cinéma. Mm-hmm. Puis racontez-nous, ce film-là va être vu, il l'a dit lui-même, par énormément de personnes. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Mm-hmm. Puis il y a toute une histoire derrière ce fameux, ce célèbre film de l'effondrement du pont de Québec. Il a compris que le cinéma, ce n'est pas seulement de faire des images, mais de savoir les agencer. Mm-hmm. Et ce film-là l'exprime très, très bien parce que son opérateur filme la construction du pont. Il est absent, évidemment, parce qu'il ne peut pas tourner tout le temps. Au moment où le pont s'effondre, il revient au moment après que le pont se soit effondré. Et là, il tourne les images du nouveau pont, si je peux m'exprimer comme ça. Et par un effet de montage, les spectateurs, lorsqu'ils voient le film, ils ont vraiment l'impression que l'opérateur était sur place au moment de l'effondrement du pont. Et ça, on a l'impression d'assister. On a l'impression d'être en information en direct. Ouais. On voit le pont s'effondrer alors que c'est juste l'effet du montage puis qui fait qu'on... Alors, c'est parce que c'est pris sur 2 jours. Tout à fait. Le pont s'est déjà effondré quand il revient. Et donc, ça prouve à la fois son regard très avisé et le fait aussi que les gens veulent se reconnaître et veulent reconnaître des paysages familiers. Et en même temps, il en fait plusieurs de ces films-là, des films qui vont connaître aussi, comme le film de la chute du pont de Québec, beaucoup de retentissement. Il va, par exemple, tourner des concours d'hommes forts et beaucoup d'historiens disent que les films qu'il va faire circuler, qui sont consacrés à des concours d'hommes forts, ça va renforcer l'espèce d'imagerie qu'on a longtemps eue, que les Canadiens français étaient extrêmement forts physiquement à cause de ces films-là. Il va faire aussi un film, et ça, c'est assez habile de sa part pour séduire l'Église. Il va filmer un événement majeur dans l'histoire de l'Église catholique au Québec, le Congrès eucharistique en 1910. Et le film, il va le présenter gratuitement pour les personnes handicapées et pour les membres du clergé. C'est un film qui va connaître énormément de succès également. Et ça, c'est une manière de... Parce qu'il a encore toujours des problèmes. Des tensions sont très fortes avec l'Église. Tout à fait. Mais en même temps, il a, comme on dit, le public de son côté. Ouais. Donc, ça fait en sorte que ça fait un peu comme une sorte de contre-pouvoir, si vous voulez. Ouais. Mais pour terminer sur son côté très avisé en termes de cinéma, il va même faire un film d'actualité qui s'appelle La vie d'un pompier. Il va extraire une image de ce film-là pour en faire une affiche. Et ça, c'était très, très nouveau à l'époque parce qu'on produisait beaucoup de films, de courts films. Mais l'idée de faire une affiche et de faire la promotion du film via une image du film, c'était très nouveau. Et en plus de ça, il va un peu inventer le concept de la bande-annonce puisqu'il va extraire une scène du film pour la montrer en disant « La semaine prochaine, chers spectateurs, vous allez voir le film et en voici un extrait. » Aujourd'hui, là, je vous parle de ça, c'est absolument banal. Tout le monde voit ça au cinéma, tout le monde voit ça à la télévision, la bande-annonce, ça fait partie du paysage culturel. Mais à l'époque, c'était extrêmement nouveau. Donc, ça montre le côté visionnaire, ouais, audacieux de ce personnage. Ouais. Puis dans ces films d'actualité qu'il tournera, il y en a un autre qui, autrement, mais va d'une certaine manière passer à l'histoire. Je pense à l'incendie d'Halifax, cette explosion dans le port d'Halifax. Il va tourner ça, puis on va se servir même en cours de... Tout à fait. De ce film-là. Tout à fait. Et ce qu'il faut noter par rapport à ce film qu'il va faire plus tard, c'est qu'il va construire, il va élaborer un wagon laboratoire. Il va s'associer avec une compagnie de chemin de fer pour pouvoir faire des films d'actualité partout au Canada, grâce au fait que le train se promène pratiquement partout. Et un de ses opérateurs sera à Halifax au moment de l'explosion d'un navire de munitions dans le port d'Halifax. Et il sera là, il pourra monter, produire et développer le film sur place dans le wagon laboratoire. Et il pourra rapidement être revu. Alors, on a presque... Je raconte ça, on a vraiment l'impression qu'il a inventé l'information continue. Ouais. Il aime le cinéma. Il va vouloir aller à Hollywood, être au cœur de l'action. Ce qui fait qu'il va devoir, au fond, fermer sa salle montréalaise. Il décide de s'attaquer plus à la production à grande échelle. Et donc, ça va le conduire, Louis-Ernest Ouimet, à Hollywood. J'ai eu l'opportunité d'aller sur des plateaux de production de vues animées à Hollywood. Par exemple, vous prenez Mary Pickford. Vous savez que la mère Mary Pickford, Madame Smith, était l'homme d'affaires de Mary Pickford. Bon. Et sa mère, elle n'aimait pas qu'on braque des caméras hautes. Elle ne voulait pas avoir un caméra plus haut que la tête de sa fille. Oui, Matt, donc, il va côtoyer André Lavoie, les plus grandes vedettes du cinéma de l'époque. Mary Pickford, canadienne, par ailleurs aussi. Comment ça va se passer, cette aventure hollywoodienne pour lui? Bien, en fait, je dois dire au départ que j'ai énuméré beaucoup de qualités de Lee Ernest Wimp. Et une autre qualité qu'on doit énumérer, c'est son désir de déborder des frontières du Québec. C'est quand même assez incroyable de voir qu'à cette époque-là, Léo René Smith n'avait pas une conception montréalaise, québécoise de ses affaires. Il allait souvent à New York, il est allé en Europe, il a parcouru le Canada, et donc pour lui, son terrain de jeu, c'est pas Montréal, c'est pas le Faubourg Amelin, c'est pas le Québec. Il voit très grand. Donc lui, lorsqu'il arrive à Hollywood, évidemment, c'est une fascination pour tout le monde, mais il a déjà fréquenté beaucoup de producteurs et de distributeurs à New York. Il connaît Thomas Edison. Il a fréquenté les bons les plus importants de ce milieu-là. Donc, lorsqu'il arrive à Hollywood, même s'il est un peu étrange parce que Canadien-Français avec un accent que les gens ont de misère à saisir, il fait un peu, d'une certaine façon, partie du groupe, partie du clan. Il est en territoire connu. Relativement, ouais. Relativement. Et aussi, ce qui est encore plus intéressant dans son cas, c'est que il ne ferme pas complètement boutique à Montréal pour tout déménager à Hollywood. Il installe un bureau là, il fait des allers-retours à Montréal. Et donc, Hollywood sera un peu comme un des satellites, si on veut, du mini-empire Ouimet, là, si je peux m'exprimer ainsi. Et il va se lancer à Hollywood dans la production d'un film, d'un long-métrage, André? Oui, en fait, c'est son premier et son seul long-métrage de fiction qu'il va réaliser en 1923, qui s'appelle « Pourquoi se marier? Why get married? » avec une actrice qui s'appelle André Lafayette. Et ce film de fiction raconte en fait une histoire parallèle. D'un côté, une femme qui est mère au foyer et une autre qui aussi est mère, mais qui veut mener de front une carrière professionnelle. Et en fait, pas besoin de vous dire que la morale fait en sorte que laquelle des deux est la plus heureuse à la fin, hein? On est quand même en 1923. Ce film-là va lui coûter beaucoup d'argent parce que, en fait, c'est un film qui n'aura pas beaucoup de succès. Ouais. Un peu à l'étranger, très, très peu aux États-Unis, il sera pratiquement pas diffusé. Et ça, c'est un autre moment parmi les nombreux moments où on assiste tranquillement au déclin, à la chute de Ouimet. Et ça, c'est sûr que ça va le fragiliser sur le plan financier. De fait, il revient en 33 à Montréal, mais à ce moment-là, c'est fini, là. Il est ruiné. Oui, il a fait un bref passage à Toronto. Il revient à Montréal et là, il n'est plus question pour lui de pouvoir fonder ou diriger de compagnie. Qui va être le coup fatal? Qu'est-ce qui explique cet effondrement d'un homme qui était très prospère, qui emmenait large, qui connaissait le milieu hollywoodien? Ben, c'est sûr que certains choix... écoutez, Le Trust Edison, le contrôle de plus en plus important des compagnies américaines sur la production et la distribution des films, c'est un élément majeur. Parce que d'ailleurs, Wimet va beaucoup en vouloir aux Américains parce qu'il ne pourra pas distribuer et obtenir les films qu'il veut dans ses salles. Et ça, lorsque vous n'avez pas, par exemple, les films de Charlie Chaplin ou même les films de Mary Pickford qu'il ne pourra pas obtenir, ben écoutez, regardez, je ferai un parallèle très, très, très contemporain avec la fermeture d'Excentris à l'automne 2015, où les programmateurs d'Excentris se disent, écoutez, on n'a pas de films porteurs, donc il y a moins de gens dans nos salles, donc on ne fait pas de profit. Ouais. Léo Ernest Ouimet a vécu la même chose à son époque. Hollywood comprend aussi, comme il l'avait compris lui-même, Ouimet, qu'il faut agir sur tous les niveaux. Exactement. Et lorsque vous contrôlez tout, et lorsque vous avez des brevets, et lorsque vous imposez aux propriétaires de salles d'utiliser tel type d'appareil, tel type de film, et que vous devez payer des redevances, ben ça, lui, comme distributeur, il n'avait pas nécessairement toujours le choix, et comme producteur non plus. Mm-hmm. Et donc ça, il en voudra beaucoup aux Américains. Le temps file rapidement, André Lavoie, mais un mot sur... bon, c'est économiquement la faillite, en fait. Mm-hmm. Sur le plan personnel, pour en rajouter une couche, ça va être très difficile. Très difficile. Il a trois enfants. Il va en perdre deux qui seront qui ont des infections pulmonaires, entre autres. Et donc ça va dévaster sa conjointe Alice, avec qui il va divorcer quand même. Mm-hmm. Écoutez, à cette époque-là, on peut dire que ça a contribué à son ostracisme vis-à-vis de l'Église catholique. Donc, le fait de perdre deux enfants sur trois, un divorce, psychologiquement, il est fragilisé aussi. Et de tout ce que j'ai lu sur Wimet, c'est évident que ça n'a pas aidé dans la conduite de ses affaires. Son épouse va lui reprocher pratiquement d'avoir tué ses enfants, mais c'est pas le cas. Et elle va le trouver particulièrement insensible parce que lui est aussi extrêmement obsédé à l'idée de devenir un brillant producteur et un brillant distributeur. Il en reste quoi aujourd'hui? Bon, le Wimetoscope va revivre à un moment donné, mais... Devenir un cinéma de répertoire. Ouais. Puis mourra de sa belle mort pour devenir des condos dans les années 90. Quelle ironie. En un mot, André, on retient quoi de cet homme-là avec nos yeux d'aujourd'hui? Un visionnaire, un homme qui, comme je le disais plus tôt, s'est accaparé le territoire nord-américain, qui pour un Canadien français, c'est quand même assez exceptionnel. Un homme qui a compris le principe de la convergence et que à tous les niveaux, si vous avez le contrôle, vous pouvez rayonner davantage. C'est quelqu'un qui savait percevoir les goûts du public, qui était à l'écoute de ce que les gens voulaient. Et c'est quand même un brillant homme d'affaires qui a joué pendant un certain temps dans la cour des grands et qui aurait pu en être un. Mais pour toutes sortes de raisons, à la fois économiques, industrielles et personnelles, ouais, ce rêve-là ne s'est pas réalisé. Mais il reste quand même un personnage clé dans l'histoire du cinéma québécois et canadien. André Lavoie, critique au Journal Le Devoir, critique cinéma au Journal Le Devoir, amoureux et passionné du cinéma. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation, Caroline Morin et André Martineau, les recherchistes, stagiaires à la recherche, Caroline Desruisseaux, recherche d'archives, Mario Bolduc, au site Internet, Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui, Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.